ma vie, y'a pas d'anecdote, j'ai coupé. Dans un coupé. Scat, scat, scat. Beaucoup d'amis, solo dans ma bulle, j'suis comme un animal. J'ai délaissé les études pour être dans la hue, fallait salaire à Zidane. J'ai dû l'air pendant les finales, j'revends plus la médicinale. Ouais, laissez-moi dans ma bulle, solo dans ma bulle, j'suis comme un animal. Dans ma vie, y'a pas que des doigts, j'ai coupé. Rends pas ta zipette et coupé, on joue pour la coupe. J'fume que la foudre, vois ça se gratte les couilles. Tu peux me voir dans un coupé, c'est infernal. Trop par rouge, coup ma pas au portable, c'est important. J'suis pas délicat, j'la démonte, j'fais trembler tout son corps. Je sais que j'suis M4 et ton confort. Je sais que j'ai la dalle, la mentale. Donc j'ai pas peur de la foule de me salir. Un check à ma table, j'aime quand c'est rentable. Faut des balles comme Randall Colomwani. Je sais qu'entre nous y'a plus rien à voir. Distance, j'ai mis beaucoup trop d'écart. Je connais par cœur la map, je connais la carte. J'ai viré tous les fakes de ma table. Yeux rouges sous les FNG. À cause du pollen, j'suis comme le tonnerre. Quand j'suis colère, non, non, non. J'détaille sans poker, sans jogging, que des trous de poulettes. J'suis en roue libre, sur la A7. Non, non. J'ai perdu beaucoup d'amis, solo dans ma bulle, j'suis comme un animal. J'ai délaissé les études pour être dans la hue, fallait salaire à Zidane. J'ai dû l'air pendant les finales, j'revends plus la médicinale. Ouais, laissez-moi dans ma bulle, solo dans ma bulle, j'suis comme un animal. Non, ne fais pas perdre mon temps. J'arrive de temps en temps. À côté de moi, un Smith, c'est West pour le trajet. Ne fais pas perdre mon temps. Le temps, c'est de l'argent. Je m'arrête à aucune station pendant le trajet. Maintenant, je passe à l'antenne. J'ai perdu du temps, des gros montants. Mais je t'en ferai avec. C'est noir, si je bouge mon antenne. Je connais, toi-même, tu me connais. Tu parles de ballon, tout le monde te connaît, connaît. Ils me lèchent les pattes pour de la maille, maille. J'arrive en plus Sagittari, ils sont bons qu'à fumer la paille, paille. Complètement bourré, faire place Italie. J'ai tapé la galerie pas loin de Paris-Bassi.